الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ici le cheikh, maintenant on est arrivé dans Kitab al-Tawhid, l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan du livre de son grand-père, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, il dit ici, le cheikh, que donc, par rapport au tawhid, hein, on a expliqué au dernier cours, on est dans le chapitre de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah, puis on a expliqué au dernier cours, yani, après avoir expliqué le hadith, ou plutôt le verset qui nous appelle à suivre la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. Et il y a ensuite le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, hein, pour lui enseigner comment faire la da'wah aux gens du livre. Donc, on était en train d'expliquer ça au dernier cours, puis on expliquait que la da'wa doit commencer par la da'wa au tawhid. Hein? La da'wa doit commencer par la da'wa au tawhid. Et donc, on expliquait par exemple que le tawhid, il faut que ce soit la da'wa au tawhid dans l'adoration. Dans le sens qu'on doit appeler les gens à unifier Allah dans l'adoration. En ce qui concerne le tawhid dans la rububiyya, c'est-à-dire dans la seigneurie et dans la souveraineté d'Allah, ça c'est quelque chose qui est établi déjà dans la fitra et qui est connu également chez la plupart des gens, même parmi les mushrikines. Et on a donné à ce sujet-là plusieurs versets et on expliquait ça par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu de dire aux gens du livre ou bien d'appeler les gens du livre à la ilaha illallah, alors qu'ils disent déjà la ilaha illallah. Sauf qu'ils ont beaucoup d'erreurs ou de mauvaises compréhensions au sujet de la ilaha illallah. Donc, il faut corriger leur fausse compréhension de la ilaha illallah. Yani, comme certains musulmans à notre époque qui pensent que la ilaha illallah, ça signifie qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Alors, on leur dit, oui, mais si c'était ça la signification de la ilaha illallah, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait penser que même les mushrikines étaient musulmans. Puisque les musulmans, puisque les mushrikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc, le fait de croire que Allah, c'est le seul créateur, c'est pas suffisant pour être musulman. Et c'est pas ça la signification. Wa alaykoum salam. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Et le cheikh, il citait le verset, et on était rendu là la semaine passée, après avoir mentionné yani, le fait qu'il faut, pour rentrer dans l'islam, établir l'unicité d'Allah dans l'adoration, et purifier notre adoration pour lui seul, et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, et tout ce qui est fait comme shirk. Et de se désavouer des mushrikines aussi, c'est-à-dire les gens qui adorent d'autres avec Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 64 dans sourate Al-Imran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Donc, ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous hein, qui avez reçu le livre, ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune, hein, c'est-à-dire une parole qui est commune entre vous et nous. Et c'est quoi cette parole commune? Qu'on ne doit rien adorer excepté Allah. Et qu'on ne va pas faire de shirk avec lui en associant quoi que ce soit dans notre adoration pour lui. Et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein? De rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, et de suivre dans la religion ou de suivre religieusement ceux qui rendent licite ce qui est interdit et qui rendent interdit ce qui est licite. Et il dit, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire que si ils se détournent après les avoir appelés à ça, alors dites-leur, hein, soyez témoins que nous sommes musulmans. Soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous, on est, hein, sur le tawhid et qu'on n'accepte pas le shirk. Et que vous, yani, si vous n'acceptez pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion des prophètes, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes dans l'égarement, vous êtes, hein, dans le shirk. Et si vous mourrez dans ça, eh bien, vous allez certes être parmi les habitants de l'enfer. Donc ça, c'est important de leur faire comprendre ça. Et après, le cheikh, il dit, فَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ تَعَالَى إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَقَالَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Donc ici, le cheikh, il explique que la base de l'islam, c'est le tawhid. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il confirme ce principe de l'unicité d'Allah dans l'adoration dans plusieurs versets dans le Coran. Et il cite comme exemple de ça le verset dans Surat Yusuf, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah ». Il a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui, ou que vous n'adoriez rien excepté lui. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des hommes ne savent pas. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc, si par exemple, il y avait, si on suppose qu'il y avait plusieurs divinités, par exemple, hein, alors, est-ce que dans ce cas-là, les êtres humains pourraient adorer un seul Dieu? Ou bien, comment ils décideraient quelle divinité ils auraient adoré? Ils auraient adoré laquelle de ces divinités-là? Est-ce que c'est ça que tu vois, par exemple, chez les hindous, ou chez les bouddhistes, ou chez les gens qui ont plusieurs divinités, hein, ils croient en plusieurs divinités. Comme les Grecs, ils adoraient différentes divinités aussi, et les Égyptiens dans l'Antiquité aussi, avant l'islam, ils adoraient toutes sortes de divinités aussi. Alors, tu leur dis, mais dans ce cas-là, yani, vous adorez qui? Hein? Vous allez adorer laquelle? Et c'est pour ça que même en Inde, aujourd'hui, ils ont dans la même famille, parfois, différents dieux, différentes divinités. Il y a le père qui adore Vishnu, et il y a la mère qui adore Shiva, et il y a la fille qui adore Ganesh, et il y a le fils qui adore Lingam. Et chacun, ils adorent leur Dieu dans sa chambre. Ils ont pas une adoration unie, hein? Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des exemples. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Donc, ça veut dire, Allah, il a donné l'exemple d'un homme. Il appartient à plusieurs partenaires. C'est-à-dire, c'est un esclave, mais il a plusieurs maîtres. Et un autre esclave qui n'a qu'un seul maître. Il dit, est-ce que ces deux exemples-là sont comparables? Hein? Donc, le pauvre esclave qui a 10 maîtres. Hein? Et chacun de ces maîtres-là, il veut que l'esclave fasse quelque chose. Hein? Alors, comment il va décider? Hein? Lequel de ses maîtres il va obéir en premier et lequel de ses maîtres il va mettre en deuxième? C'est compliqué des situations pareilles. Hein? Lui, le premier dit, je veux que tu laves ma voiture. Mais l'autre, l'esclave, il dit, je ne peux pas laver ta voiture parce que l'autre, il m'a demandé d'aller nettoyer sa maison. Hein? Je dois aller faire le ménage. pour l'autre. Et l'autre, il dit non, je veux que tu ailles par exemple au magasin pour acheter telle chose pour moi. Et l'autre, il lui dit non, je veux que tu amènes les enfants au parc. Yani, donc là, qu'est-ce qu'il va faire cet esclave? Comment il va les servir tous en même temps? C'est pas possible. Tandis que s'il appartient à un seul maître, c'est très facile pour lui de savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette parabole pour faire la comparaison avec les mushrikines qui doivent servir plusieurs dieux en même temps et un autre qui n'adore que Allah. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et donc c'est pour ça que l'aspect du tawhid dans l'adoration, il est fondamental dans la compréhension de la foi en Allah. Et que c'est ça qui fait la différence entre justement le tawhid et le shirk, la foi et le kufr. Hein? Parce que même les kuffars, ils croient en Allah. Ils croient que Allah existe, mais ils adorent d'autres avec lui. Ils prient à des statues, et à des idoles, et à des saints, et à des images, et à des prophètes, et à des anges. Puis quand tu leur demandes, il y a combien de dieux, ils disent, il y a un seul dieu. Hein? Donc ça, c'est une contradiction. Hein? C'est pour ça, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset 43 dans Sourate Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, alors mets ton visage, en ligne ton visage sur la droiture, sur la religion de la droiture, avant que vienne un jour que personne ne pourra repousser, que personne ne pourra repousser en dehors d'Allah. Donc ça, c'est quelque chose ici qui, encore une fois, nous fait comprendre que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la religion du tawhid. Et que si quelqu'un adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se dit musulman, il est en contradiction avec sa foi, avec les fondements de cette religion. Et donc, par conséquent, il n'est pas musulman, même s'il se dit musulman. Donc, dit, c'est ça. Ce jour-là, ils seront divisés. Yawma idhin yatasaddaun. Avant que ne vienne d'Allah un jour que personne ne pourra repousser. Et il dit dans un autre verset, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. Ça, c'est la réalité des kuffars et des mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci parce que lorsque on vous appelait à adorer Allah seul, vous rejetiez la religion, le message et la religion. Mais si on faisait du shirk avec lui, dans ce cas-là, vous acceptiez de croire. Alors, le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Donc ici, c'est pour dire, yani, comme il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, c'est la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'expliquer par rapport à cela. Il croit seulement à Allah lorsqu'il y a du shirk qui est impliqué. Puis si tu leur demandes de croire en Allah unique et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, ils veulent rien savoir. Comme un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, yani, la signification de ce verset, si on invoque Allah, si on mentionne Allah, lui seul, sans partenaire et sans associé, eh bien, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se remplit de dégoût. Vis-à-vis de ça. Non, c'est-à-dire, ils n'aiment pas entendre parler de l'adoration d'Allah seul et de ne rien associer avec lui. Ça les dégoûte. Mais si on mentionne d'autres divinités avec lui, là, ils se réjouissent. Et là, ils sont contents. Donc, c'est ça la réalité des kuffars et des mushrikines. Si tu vas aller voir des chrétiens, par exemple, tu leur dis Allah, le Créateur, c'est lui seul qu'il faut prier, c'est lui seul qu'il faut adorer. tu les vois qui vont commencer à être dégoûtés et à te détester et à rejeter ça. Pourquoi? Parce que tu ne mentionnes pas Jésus. Si tu ne mentionnes pas Jésus, pour eux, c'est comme si tu n'as pas mentionné Dieu. C'est comme si tu n'as pas adoré Dieu. Il faut pour eux que tu fasses du shirk pour être croyant. Si tu ne fais pas de shirk, tu es un kafir. Et il y a beaucoup de mushrikines, c'est comme ça. Hein? Tu leur mentionnes Allah, ils ne veulent rien savoir. Si tu leur mentionnes des idoles, des statues, des créatures en dehors d'Allah, hein, des images, des choses comme ça, là, ils se réjouissent, ils sont contents. Hein, c'est ça qu'ils aiment. Et le verset qu'on a, donc ce verset-là, le verset qu'on a lu, c'est le verset 12 dans Sourate Ghafir, et le verset dans Sourate Az-Zumar 2 et 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fa'budi Allaha mukhlisan lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. C'est-à-dire, adorer Allah en lui vouant une religion pure, une adoration pure, en purifiant pour lui votre religion. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion de pureté, que vous devez purifier votre adoration pour lui et n'adorer que lui? Donc, ça, c'est extrêmement fondamental. Après, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit Yani. Donc il dit Amara an la ta'budu illa iyyahu. Hada ma'na la ilaha illallah. Fa fiha ithbatu at-tawhid wa nafyu ash-shirk. Wa hada huwa alladhi amara Allah bihi, at-tawhid wa an-nahy 'an ash-shirk. Donc il dit, quand tu regardes le verset, il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui, ou que tu n'adores que lui. Il dit ça, c'est exactement la même signification que la ilaha illallah. Parce qu'il y a dans ça l'affirmation de l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'affirmation du tawhid et la négation du shirk, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Quand on dit la négation ici, on veut dire l'interdiction et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Et non pas la négation du shirk dans le sens que le shirk n'existe pas. Non, le shirk, il existe. Hein? Sauf que yani, Allah l'a interdit. C'est pour ça qu'il dit hein, La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il a ordonné que vous n'adoriez que lui seul et rien d'autre que lui. Et c'est ça l'ordre qu'Allah a ordonné. Le tawhid, c'est-à-dire d'appliquer le tawhid, et il a interdit de faire le shirk. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dhalika ad-din ou bien fa aqim wajhaka lid-din, il dit huwa al-qa'imu 'ala at-tawhid wal-ikhlas, c'est-à-dire la religion qui est al-qayyim, la religion de la droiture, c'est celle qui est établie sur le tawhid et la pureté, hein, dans l'adoration exclusive à Allah. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il explique par rapport à l'autre verset, إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. هذه الآية تصف أهل الشرك أنهم يبغضون أو يغضبون نعم أنهم يغضبون إذا أخلص الدعاء لله وإذا دعي غيره فإنهم يفرحون بذلك فإن الشرك وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله يعني هو الذي سبحانه يحكم ويأمر وينهى وقد أمر وحكم بعبادته وترك عبادة ما سواه. Donc ici le cheikh il dit, lorsque ils sont appelés, ou bien plutôt lorsque Allah lui seul est appelé ou invoqué, hein, ou mentionné, lorsqu'il est lui seul invoqué, vous reniez la foi, vous avez renié la foi. Mais si on a fait le shirk avec lui, hein, vous acceptez de croire. Donc ça veut dire que, en réalité, Allah, dans ce verset, il décrit les gens du shirk qui détestent le fait d'être sincère et pur dans notre doua pour que notre doua soit uniquement pour Allah. Et lorsqu'on invoque d'autres que Allah, là, ils se réjouissent de ça et ils sont contents de ça. Il dit le cheikh, hein, et si on fait du shirk avec lui, en adorant d'autres que lui, yani dans ce cas-là, vous acceptez de croire. Donc ça veut dire que yani les mushrikines ne se réjouissent que du shirk. Et il dit, et c'est lui qui juge, hein? Et c'est lui qui juge, qui ordonne et qui interdit. Et il a ordonné et jugé, yani, qu'on doit l'adorer lui seul et délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et en ce qui concerne l'autre verset, Mukhlisan lahu ad-din, yani min ash-shirk, ala lillahi ad-dinu al-khalis, yani ma yuqbalu 'indahu illa ad-dinu al-khalis. Donc la purification de la religion de toute forme de shirk et l'interdiction de tout ce qui est adoré en dehors de lui. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion de pureté? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui va être accepté de la part d'Allah que la religion de la pureté, c'est-à-dire du tawhid. الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير وسنذكر بعض ذلك سنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. Et il dit les versets dans le Coran qui expliquent le tawhid d'Allah auquel les messagers ont appelé et au sujet duquel les livres ont été descendus, ils sont nombreux dans le Coran. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent du tawhid qui a été enseigné par les messagers et révélé par les livres. Il dit, ouais, et on va mentionner à ce sujet-là plusieurs de ce que l'islam a dit à ce sujet-là. C'est-à-dire, on va mentionner une partie de ce que la religion dit à ce sujet-là. Et ils disent une partie parce qu'on ne peut pas tout mentionner. Hein, la religion, ce sujet-là en islam, il est tellement vaste que c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire ou tout mentionner, qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet, mais on va mentionner une partie ou certains des points qui ont été dits et mentionnés à ce sujet. Après le shaykh, il dit « Wa qawluhu falyakun awwala » فليكن أول منصوب على أنه خبر يكن مقدما مقدم وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc il dit, le cheikh ici, par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith de Mu'adh, quand il dit « falyakun », il dit que « falyakun », donc le verbe « kana » en arabe, on dit que « kana wa akhawatuha ».« Kana », c'est un verbe, quand il est employé, ce qui va suivre, si c'est une phrase, et qu'il y a dans cette phrase un mubtada et un khabar, le mubtada de kana, il va être marfou, et le khabar, il va être mansoub. Et il dit donc que c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « falyakun awwala », il dit que le khabar dans cette phrase فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il dit que أول c'est le khabar. فَلْيَكُنْ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Donc c'est comme si il dit que la phrase, le khabar et le mubtada ont été inversés. Et donc le khabar, il a été placé avant le mubtada. Et c'est par conséquent Awwal qui est le khabar. Et c'est pour ça qu'il est mansoub ici. Et le mubtada, c'est shahada. Et il a été placé après, c'est pour ça qu'il est marfou. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ La ilaha illallah. Donc, c'est comme ça. La phrase, si on la met en ordre, ça devrait être que falyakun shahadatu an la ilaha illallah. Donc, shahadatu an la ilaha illallah, ça c'est le mubtada. Awwala. Donc, que le témoignage de la ilaha illallah soit la première chose à laquelle tu les appelles. D'accord? Et il dit que le contraire est possible également. Que le contraire est possible également ici, donc, c'est-à-dire que ce soit Awwala qui est le Mubtada et Shahada qui soit le Khabar. Wallahu A'lam. Et ici, il dit wa fihi dalilun ala anna tawhid al-ibada huwa awwal wajibin. لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده ولهذا كان مفتتح الدعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي لا تعبدوا إلا الله. Ok. Donc ici le cheikh il explique que il y a la preuve dans cela, dans ce début de phrase dans le hadith, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait de témoigner de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il dit qu'il y a dans ça la preuve que la première obligation pour le musulman, la première obligation, c'est de faire le shahada, de dire la ilaha illallah. Et que c'est ça la base de la religion, que c'est ça la base de l'islam. Et il dit, contrairement à la parole des philosophes et des gens qui se basent sur la philosophie pour établir la religion, et ceux qui les ont suivis dans ça, qui disent que la première obligation, c'est de connaître Allah par l'observation ou bien par la logique, hein, par la raison. Le cheikh, il explique que ça, c'est faux parce qu'en réalité, la foi en l'existence d'Allah, wa alaykoum salam, et en son existence, ça c'est la foi en l'existence d'Allah et de connaître Allah par ces choses-là sont des choses qui font partie de la fitra. C'est-à-dire, ça fait partie de la saine nature dans laquelle Allah nous a créés. Il a créé ses serviteurs de croyants. Il a créé les créatures, les êtres humains croyants en Allah. Et ils ont déjà accepté et cru au fond d'eux-mêmes que Allah existe et qu'il est unique. Donc ça, c'est une chose qui est fitriya. C'est une chose qui est en accord avec la fitra de l'être humain. Il n'a pas besoin, pour être convaincu de ça, de faire des recherches ou d'étudier ou de comprendre en faisant toutes sortes d'analogies ou d'explications ou de calculs. Il est né avec la fitra et en lui-même et en son âme, il sait que Allah existe et qu'il est unique. Et c'est pour ça que les prophètes, lorsqu'ils ont commencé la da'wa qu'ils ont faite à leur peuple, ils n'ont pas commencé par l'idée d'établir ou d'appeler les gens à dire que Allah existe ou à la croyance en l'existence d'Allah, puisque ça, c'est quelque chose qui était déjà présent. La plupart des mouchriquins, ils croyaient que Allah existe. Le problème qu'ils avaient, ce n'était pas à ce sujet-là. C'était plutôt à propos de l'adoration, hein, puisqu'ils adoraient d'autres que Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le cheikh dit tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont toujours débuté leur da'wa par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et il mentionne l'exemple de ça dans Surat al-Mu'minun, lorsque les prophètes ont dit à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez rien en dehors de lui qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire n'adorez rien d'autre que lui. Et il y a beaucoup d'autres explications à ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera cette explication-là au prochain cours. Bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.